Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred. Salut Antoine. Jean-Philippe Durand. Salut Fred. Salut Antoine, un beau salut. Ah, salut. Comment vas-tu? Bien, toi? Parfait. Yeah. Toi Fred? Très bien. Et Mathieu Bouillon. Salut Fred, tu m'entends-tu bien? Assume. C'est une blague. Il était loin. I will kill you. Et voilà. On est encore à l'extérieur, hein? Pour ceux qui entendent des mouettes, oui, on est bel et bien dans le Maine. C'est magnifique. L'air salin me fait grand bien. Oui, oui, vraiment. Ça sent la moule. Et que ça sent la moule. Hey, depuis notre dernier podcast, la grève, ça s'est réglé? Oui, c'est fait. Ah ouais? C'est fait. Je sais pas. Peut-être nous qui avons réussi à lancer ça. Oui, je l'espère. J'ai entendu parler d'une ribambelle de 13 km. Oui, exact. Super. C'était-tu 13 km ou toute la planète? Oh! Virale. Toute la planète virale. Une chaîne humaine sur Facebook. Ouais. Oui. OK. Messieurs, on a un problème cette semaine qui va vous parler. Ouais. Ah. Oui, parce qu'en tant que semi-travailleur autonome, nous sommes trois. Mm-hmm. Mathieu, lui, travaille à temps plein, mais quand même, tu as des projets de création de temps en temps. Des niaiseries sur le côté. Ouais. Tu restes quand même un créateur. On peut pas vraiment mettre ça dans la table des créations, là. Non? Mais oui, c'est un créatif. Mathieu? C'est sa vie. Ben voyons donc. Hey, s'il vous plaît, on s'assinera. Je fais des blagues, Mathieu. Il prend mal. Oh, je suis créatif. On a un problème, il vient ici de Kevin Beauregard, qui nous dit... Salut, pas de problème. Comme André Robitaille. Salut! Salut, pout-pout. Il m'arrive souvent de commencer des projets, souvent créatifs, et de ne pas les terminer. Clairement. Vu que je parle souvent de mes projets lorsqu'ils ne sont encore qu'idées, je me vois souvent confronté au fait d'expliquer que « Ah non, c'est tombé à l'eau ». J'ai peur que ça affecte ma crédibilité. Mais il est très difficile pour moi de ne pas en parler parce que chaque projet m'emballe. Oh! Point d'exclamation. Le tout se complique lorsque je ne suis plus le seul d'impliqué dans le projet. Merci de votre aide précieuse. Et je pense qu'il manquait deux fois le mot projet pour qu'on tombe à 30. Oh! Mais Kevin, c'est un excellent problème. Kevin, parce que je pense que c'est vraiment c'est l'histoire de nos vies, à vrai dire. Combien de projets j'ai commencé avec Fred qui n'ont jamais abouti? Il n'y a juste pas de problème jusqu'à là, Titoff, j'ai l'impression. Et encore toi, notre projet de biscuiterie. Ça avance, arrête. Mon salon de tonte et toilettage. Faut se donner pour allergique aux chiens. Et pourtant, j'ai... Ça n'a pas de sens. Mon zoo pour toutou. Tout. Notre entrepôt de la mariée, Jean-Philippe, qu'on voulait fonder. Ça, je ne peux pas croire que ça va marcher. Pas croire que ça va marcher. 700 mariés regroupés dans un entrepôt. Lisse que c'est plate. Mais Jean-Philippe, dans un même endroit. Ton projet d'architecture? Eh hey, bien, vois-tu, ben, j'ai au moins acheté des livres dessus, j'en ai lu. Je vais s'informer. Oui, oui, c'est sûr. Je vais t'avouer que depuis ce temps-là, bref, c'est parce que Fred Piward était dans une espèce de cercle de création, c'est ça? Ben, j'avais essayé de créer ça, puis ça a duré, quoi, deux rencontres? Oui. Puis ça a fait ouah-ouah. Oui, mais ouah-ouah, pas vraiment, parce qu'on est un peu chacun parti de notre côté avec une idée. Toi, t'as continué ton projet de dessin animé, non? Regarde, tu vois comment ça marche fort? Mais ça marche très fort, là. C'est pour ça que présentement Antoine est en dessin. Ouais. J'adore ça, dessiner. Je fais ça de ma vie. Mais non, mais tu sais, moi, j'ai quand même retravaillé de mon côté. Là. Oui, oui. Mais l'affaire, c'est ce que dit Kevin qui est intéressant, je trouve, c'est de tenir ses promesses. Ouais. Sur quoi tu travailles, ouais, j'ai telle affaire, puis finalement ça se fait jamais, fait que c'est difficile après ça d'expliquer pourquoi ça se fait pas. Ouais, c'est plate. Les gens veulent pas le savoir pourquoi ça se fait pas aussi. Non, c'est ça. Non, c'est eux qui viennent s'informer, ils font pis, comment ça va, mais non, je le fais plus. C'est étrange. Pourquoi? Parce que... C'est un peu... Mais c'est d'en parler, le problème, là. Oui, il l'a dit, mais il est trop emballé, mais... Il faut en parler aussi un peu. Regarde, par exemple, je prends un exemple. Ça dépend qui, il faut que tu choisisses. Un domaine parallèle où on n'en parle pas tout de suite, par exemple, ça va être des contrats. On va attendre que ça soit signé, tu vas non, je n'en parlerai pas. Ouais, c'est ça. Tu ne veux pas jinxer, des fois. Quand les gens enceintes, un couple, on fait bon, ben, on attend parce qu'on sait qu'il peut arriver, malheureusement, une série d'affaires avant que ça soit sûr. Mais tu vas attendre 3 mois, puis tu vas, on l'annonce pas tout de suite, parce que, imagine la déception si malheureusement il se passe quelque chose, puis le monde te croise, puis l'enfant, tu fais, non, c'est ça, on l'a perdu. Ouais. Donc, le temps, attendre des confirmations. Mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre, je pense. Ouais. Si j'ai un super projet, j'attends des subventions, rajoute ça. Ouais. La fois d'après, ils font pire. Non, ça s'est pas fait. subvention de marde. Ben pourquoi pas? Ben ils oui. Ils vont chier dans les mains. C'est vrai. J'entends le hockey de mon beau-père. il est supposé de me fournir 8 clôtures. Une affaire de même. Je vais avoir une commandite de 25$. Celui-là, je vais pouvoir le faire. Dites-nous l'argent. Pourquoi pas être flou dès le départ? Quelqu'un te demande, puis qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Je fais, je prépare de grandes choses en parallèle. Wow. Tu sais, oui. t'as toujours ce que mais, tu fais. Là, encore mieux, tu fais. Mais moi, j'aime ça, mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas de sous-entendu sur le suicide. Comme, je prépare un coup, ça va être gros, puis. Au de retour de tout ça, je vais avoir changé. Je pars pour un très, très long voyage. Un très long voyage. Veux-tu m'aider? Oui. Les amis m'ont monté un très grand bateau. Oui. Un beau grand bateau. Un beau grand bateau. Oui. Ah, mais bon. C'est... ben, tu l'as dit, moi, c'est exactement ça que je vis. Mais, et pourtant, j'en ai réussi. T'sais. Mais oui. Non, mais pas de problème, c'est un exemple. Oui, t'as fait ton livre. Mon livre? Hey, ça, je pensais jamais y arriver. Oui, mais sur 200 projets, Fred. Non, mais c'est ça l'affaire. Non, mais il y a une masse critique, je pense. Il faut en lancer des idées. Oui. Pas juste dans un domaine créatif, mais dans tout faire. À un moment donné, il y en a un qui marche. Mais moi, puis ma blonde, on parle de voyage, par exemple. Ah, on pourrait aller là, quelle date? Ah oui, ah non, ça, on en parle, on en parle. Mais il y en a un sur 10 qu'on réalise. Oui, mais il faut qu'on en pétudisse pour qu'il y en ait un qui fasse. Ouais. C'est clair. On a les dates, on a le lieu. Souvent, les astres s'alignent. Pour des bons projets. Parce que justement, un voyage, il y a une opportunité qui se présente. Ton beau-père. Oui. Il y a eu. Non, mais... Qu'est-ce qu'il y a eu? Il est déjà là-bas. Il y aurait une. C'est qui? Il y aurait un appartement à louer. Ben, tu sais, ça te revient moins cher finalement. Fait que ça fait pencher pour ce voyage-là plus qu'un autre. Il y a des situations qui font en sorte que tu... Il y a un projet qui est plus clair pour toi que les autres. Mais là, voyez-vous, je pense que, on parle de projet de vie, un voyage plus projet de vie, des choses comme ça. Je pense que Kevin parle plus de projet créatif. Exact, mais je vais faire le parallèle. Ouais. C'est la même chose, je pense. Vraiment... Faut que t'en parles. Faut que tu parles avec du monde. Hey, j'ai une idée, ça tombe à l'eau. Hey, j'ai une idée, Deux secondes. Ouais. Quand tu dis parler au monde... C'est parce que ce qui fonctionne là-dedans, c'est le principe de la dette. Je ne dis pas la dette financière. Il faut que tu doives des choses aux gens. Là, tu vas le faire. Si tu dis... Si quelqu'un, tu dis « Aide-moi » ou « Donne-moi un deadline, fais telle affaire, je vais te présenter ça telle date. » Mais le fait d'avoir un deadline rend ça beaucoup plus simple. Ouais, c'est juste le principe de devoir quelque chose à quelqu'un qui fait que tu le fais. Quand tu es engagé par une maison de production, ben, tu as des dates. Tu n'as pas le choix de le faire. Tu dois te sentir mandaté pour développer le projet. Ben, exactement. Être payé, aussi, ça met de la pression. Ben, c'est sûr. Mais le... Gratuit, tu vas plus de la main. Tu as besoin d'autorité dans cette affaire-là. Elle ne peut pas venir de toi parce qu'on est trop sur la queue. Il faut qu'elle vienne de quelqu'un d'autre. Et pourtant, et nous, on va c'est te brasser. Faisable. Ça se fait c'est aussi. C'est faisable. D'ailleurs, le 13 avril, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ça. Mais je reçois Antoine. Bonsoir. Entre autres, à mon spectacle au Théâtre de l'Esquisse. Oui. Ben oui, bravo, ça fait. Puis ça, je me suis poussé dans le cul. Oui. Mais j'avoue que, c'est ça. Il a fallu que je me mouille. Mais j'ai fait une dette que j'aurais pu vraiment. Parce qu'il n'y a personne qui attendait après moi pour avoir ça. Oui. Mais je me suis fait une dette envers moi-même. Mais vois-tu, moi, tu sais, pilote, mettons, je sens que j'aurais jamais eu la pulsion de le faire tout seul au complet. Je comprends. Mais je te dis pas non plus qu'au niveau de l'écriture, tout ça, on était toujours à deux en train de... Puis là, j'en ai jamais parlé, c'est une série web. Oui, c'est la série web de Jean-Philippe. Allez voir ça. Mais tu sais, l'avoir fait à deux, même si on n'écrivait pas ensemble tout le temps, ça fait juste que je devais travailler. Ouais. Étant donné que j'avais toujours l'impression que l'autre personne travaillait, moi aussi, je devais travailler. Puis... Ouais. Moi, je trouve que vous avez été discret aussi sur ce projet-là. Il y a ça, je pense. Tu sais, vous avez pas comme étalé à tout le monde, on travaillait ça avec le grand drôle. Vous avez été comme... Je pense que c'est bon, des fois, quand tu crois à une idée, tu sais, comme de la garder un petit peu pour toi, comme ça. Oui, ça fait confiance au résultat. La démarche, c'est parce que on vit tellement, je trouve, dans un milieu où la démarche est juste importante pour ceux qui le font. Ouais, tellement. T'sais, moi, si je sors un très mauvais film, je pourrais pas aller dans les médias expliquer la démarche puis dire, je me suis fait couper des affaires au montage, tout ça. C'est normal, les gens jugent le résultat. Ben, fait que parle-en pas, puis après ça, les gens jugeront pas. Il n'y a plus de surprise si tu en parles tout le long. Mais ben, c'est ça, comme un peu. C'est comme arrêter de fumer, selon moi. OK. T'en parles pas jusqu'à temps que ça soit fait. Tu sais, c'est je vais arrêter. Là, je vais arrêter. La semaine prochaine, je me prends un dernier. Tu sais, comme, ta gueule, arrête. Ouais. Tu sais, puis après ça, tu te diras, j'ai arrêté. Ouais. As-tu recommencé, frère? Ouais. Pas vrai? Ben non. Pas toi, Fred. C'est ça, pas en parler ou garder ça plus petit. Tu sais, non, j'ai une petite affaire. Si ça marche pas. Déjà accepter que ça marche pas. le présenter comme si déjà ça chiait. Mais il parlait. J'ai un projet, qui regarde, mais je pense pas, mais regarde. Ouais, la fois, ça a marché, là, mais regarde, j'essaie. Ouais, c'est un podcast dehors avec des gars. Ouais. Sur une boîte électrique. Tu parlais de les astres s'alignent pour des projets. T'sais, c'est comme toi, quand tu as eu l'idée de prendre problème, tu as approché Antoine, Jean-Philippe et Anne-Marie Wittencha. Oui. Là, après ça, ça n'a pas marché pour. Non, mais sans farce, il parlait des gens. Il disait que ça se compliquait quand il impliquait des gens dans ses projets. Ouais. Ouais. Non, c'est ça? Oui, oui. Mais peut-être qu'il s'entoure mal. Non, non, mais il y a l'affaire, c'est. Je vous ai approché, vous autres, vous avez été emballés. Ça vous, à part Antoine, mais tu sais. Anne-Marie, maintenant, Anne-Marie, malheureusement, elle ne pouvait pas avoir autre chose. Elle ne retourne pas tes tweets. Ah, mais ça, c'est un autre problème. OK, ça va faire. Non, mais le fait d'inviter des gens qui vont un peu prendre la balle au bon et continuer avec toi, parce que oui. Des fois, ça. Ouais. Parce que ces gens-là peuvent être aussi un boulet, tu sais, comme « Hey, on fait un projet ensemble! » Puis les autres font « Oui, oui, fais-le ton projet, on va te suivre! » Ouais, exactement. Puis là... Boulet! Hey, je suis poulet, pas boulet! Non, poulon! Je trouve, en espèce de création comme ça, là, si tu fais des projets créatifs, c'est de s'entourer des gens qui ont exactement la même expertise que nous. Puis ça, faut pas, parce que ça devient trop égal à un moment donné, ça finit par faire la même affaire. On a les mêmes problèmes. Je sais pas si vous comprenez. Mm. Approche des gens qui ont des expertises différentes, comme ça, vous allez vous compléter plutôt que vous compétitionner. Ouais. Ouais, c'est bon, ça. Voilà. Très intéressant, ça. Ben, écoute. Je pense qu'on a aussi chacun notre blacklist de gens avec qui ne pas faire des projets. Est-ce qu'on les nomme? Mais c'est vrai, on ne va jamais avec. Solution possible. Il y a une couple d'applications là, qui s'appelle le Mind Mapping. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était... Qui est un peu écrit, faire des listes en arborescence. Oui, oui, oui, ouais, mettre sur papier plus. Y a, ben, si tu mets tous tes projets, tu sais, comme des petits points partout, tu peux le faire sur une feuille aussi, là, t'es pas obligé. L'application à 12$. Oui, c'est ça. Ouais, il y en a des plus chers. Tu suggères des chansons. Ouais. Pour accompagner ton arborescence. Selon les schémas que t'aimes. Ouais. Mais après ça, tu. T'ajoutes tout ce que tu as besoin de faire pour accomplir ces projets-là. Puis là, tu regardes celui qui te plaît le plus, qui t'emballe le plus, puis tu es à fond la caisse dans celui-là. T'sais. C'est vrai. Mm-hmm. Les autres, ils existent encore, sont sur la glace. Tu vas y arriver un jour, puis ben oui. Ou pas, mais... Mais c'est vrai que tant qu'à faire zéro projet, là, t'es mieux d'un peu, là, mettons, tout noter, là, les 20 projets qui sont dans ta tête, qui sont morts pour toujours, mais que t'aimes encore, ou... Puis là, t'as choisi deux là-dedans que tu vas un peu pousser plus. Mais oui, c'est parce qu'il faut créer de la priorité dans cette affaire-là. Si tout est sur le même niveau et tout ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. Priorité. Là, je travaille ce projet-là, je le rends jusqu'au bout. Ouais. Quitte à te donner un temps à dire, ça, je travaille là-dessus un mois. Si après un mois, ça n'a rien donné, c'était peut-être que ça allait rien donner. Ouais. Mais on n'a pas un problème là-dessus, en suspens, là, qui sur les choix? Ouais. Je pense que c'est une question de choix aussi. À vouloir tout faire, on ne fait rien. Exactement. Oui, puis il faut peut-être accepter sa nature. C'est peut-être plus un idéateur, tu l'as dit, s'entourer des gens qui ont d'autres fonctions. Oui. Il y a du monde à qui tu confies quelque chose qui, par eux-mêmes, aboutissent, puis ils font toujours leurs affaires. Ouais. Puis il y en a d'autres, jamais. Mais ça peut être intéressant d'avoir dans une équipe parce que beaucoup d'idées peuvent être. Tu peux avoir un autre rôle complètement dans... D'ailleurs, pas de problème, tu es à la recherche de gens qui font des applications. Pour téléphone intelligent. Ça serait nice. Peut-être des designs de T-shirts. Envoyez-nous ça. Oui. Des couturières. On paye pas. On parle à toi, Samuel Charroy. Oui. Oui, c'est vrai. Il écoute pas ça. Mais c'est ça. Et moi, pour avoir été dans des projets plutôt artistiques, donc avec des gens plutôt artistiques, il nous manquait souvent cette expertise-là de gens... peut-être plus organisé, il me semble, guillemets. Oui. Complètement. Un peu plus terre à terre. Mais avoir des idées, c'est pas un problème. Mais après, c'est de faire bon. Ben... C'est de les mais avoir des bonnes idées, c'est un problème. Tu sais, oui. Il y en a des tellement des mauvaises idées. Antoine, t'es pas initiateur, t'es backer de fond. Ah non, moi, c'est fini. Là. Moi, j'ai compris que je... Ah ouais? Ah ouais. Non, non, mais quand. Non, mais souvent, tu vas te faire inviter. Pas d'ambition. Dans un... Non, mais souvent, tu vas. Non, t'as beaucoup d'ambition, mais tu vas. Quand quelqu'un va t'inviter dans un projet, tu vas là, tu le fais pas à moitié. Ouais. C'est bon, ça. Non? Oui, oui, oui. Toi, Jean-Philippe... C'est quoi tes forces? Moi, je pense que c'est un peu plus comme Antoine, à la limite. T'sais, on dirait que j'ai de la misère à aboutir mes propres trucs. Fait que c'est un peu... Je vais investir dans les projets des autres, je pense. Un peu plus. Hey, c'est drôle, ça. Voyez-vous comment c'est relié directement à l'impro? Ouais, hein? On est tellement habitué du résultat instantané qu'on a peur de la démarche. C'est vrai. Non? Ouais. Moi, oh! Ouais, peut-être. Peut-être. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. On est tellement habitué de voir la face tout le temps que le regard porté sur cette affaire-là est pas le même. C'est vrai, hein? Mais un des problèmes d'organiser des projets aussi, c'est que souvent, genre, à un moment donné, on a faim ou on a envie de boire de l'alcool, tu sais. Fait que ça finit que, genre, on déroge puis on va bruncher, genre. Ça, ah, parce que dur, c'est ça, mais... parce que est-ce que c'est pas un prétexte pour... Ça dépend. Ça dépend. Ben non, mais dans le sens où tu veux monter un show de théâtre, blablabla, avec du monde que t'aimes, tu te loues un chalet, tu pèses des affaires, tout ça, à un moment donné, tu fais « Hey, de la merde, là, on le fera pas, ce show de théâtre-là. Ouais, » C'était, c'était pour pitcher des idées, faire trois fins de semaine dans un... puis boire de la bière, puis frencher du monde qu'on mais des fois, parce que Brou a été les astres s'alignent, puis tu fais un show de French. Yes! Puis là... OK, peut-être que c'est ça, ça va arriver, t'invites tout le monde à ton chalet, puis finalement, ça aboutit pas. Et une fois sur quatre, ben ça ou peut-être plus, ça va. Mais tu vois bien faut que... le faire, faut juste le créer. Faut accepter des fois aussi d'abandonner des projets. Ça se peut là que ça, ce projet-là, ben c'était de la crotte. À un moment donné, t'acceptes l'affaire. Tu sais, moi à un moment donné, t'as beau vouloir faire du théâtre quoi que ce soit, t'as un autogéré qui coûte 1 200 $ à chaque personne, puis il faut que tu battes ton grand-père pour qu'il vienne le voir là. T'as le droit de le faire si tu veux le faire, si t'en as envie, mais ça se peut à un moment donné que ton instinct te dise « fais pas ça », puis t'as le droit de pas le faire. Ah oui, son instinct, là, moi, ça m'a sauvé bien des problèmes. Hein, des mauvaises décisions, des fois, là. Ouais, des fois, on veut être smart, puis embarquer dans des affaires avec du monde, là. Ah, mais... oh, dire oui, puis regretter. Ouais. Regarde, je suis dehors. Oh! Arrête! Je pense qu'on après on vieillit là-dedans. 115, aussi, les gars, vous regrettez pas. Ça. Non, jamais. Mais mettez jamais de votre argent dans les projets. Moi, c'est mon seul conseil. Ton argent personnel dans les projets? Trouve d'autres mondes pour l'argent. Oui? Ouais. À moins d'avoir une idée, t'es sûr, non? Ouais. Ah, mon Dieu, c'est dangereux. Ouais, ça, c'est mon problème. Mais c'est pas de problème, me ruine. Mais ça dépend. Si tu y tiens tant que ça, puis à un moment donné, ça devient personnel, cette affaire-là, tu sais. Moi, je trouve que ça devient l'équivalent d'un projet de voyage. Là, si oui, c'est perso, pas de trop. Mais pas juste ça, c'est que si tu penses perdre de l'argent, mais qu'à long terme, tu sais, tu le pousses... La première année, tu perds de l'argent. La deuxième année, tu es capable... je sais pas, il y a des fois... Oui, mais... Non. Ou... C'est sûr, tu peux après ça mettre ton argent là-dedans. Choses. C'est clair, là. Mais il y a quand même cette idée-là qu'il y a des gens, qu'il y a de l'argent, pas nécessairement aux créateurs, pas nécessairement beaucoup d'argent, de faire leur propre patente. Ouais. Quand même, de faire « Hey, c'est assez. » Mais là, après ça, aller c'est chercher assez. De l'argent... Ça, c'est ça, il y a des gens qui sont bons là-dedans. Non, mais ça prend du temps aussi. C'est ça l'affaire. Que... Mais tu sais, t'écris, tu fais des affaires, c'est OK. Mais à un moment donné, il y a des gens qui mettent un peu d'argent pour développer. Hein. Tu vois, c'est assez, je vois pas. Sûr et certain, mon gars. Mais faut juste que tu sois prêt à l'attendre, cet argent-là. Oui. Parce qu'il y a tellement de monde qui automatiquement veulent le résultat, comme on disait tantôt, instantané. Fait qu'il passe. Comme je disais, pardon, mais tu sais, ils passent par-dessus les étapes, les affaires. Faut les faire, ces étapes-là. Je sais que c'est long et c'est plate des fois, mais le résultat va en être que meilleur. Oui. Tu sais. Fait que, qu'est-ce qu'on dit? Ben, qu'il continue, qu'il en soit fier. Non, abandonne, fais des choix. Abandonne. Fais des choix. Oui. Priorité. Faire des choix, faut continuer à rêver. Ouais. Le fun de trop de bien, les projets. Tu plein d'affaires. Dis-le pas trop. Peut-être essayer là, un des projets là, auxquels tu crois là, de trouver un entourage différent que les gens qui te demandent d'habitude, qui ne t'ont amené qu'échec. Ça dépend des projets. Tu sais, sans être trop étapiste, il y a moyen quand même. Ouais. Oui. Tu veux monter un gros show de théâtre, ben, tu peux organiser une petite lecture. Tu as écrit quelque chose, une petite lecture, une affaire. Solution possible. Des petits succès. Écris-nous, écris-nous ta liste de projets. podproblème@gmail.com. Puis nous, on va te dire quoi faire. On va te choisir ton projet principal. Bing! Lui qui va nous engager. Ça fait un bout qu'on a dit 5 ou rien, hein? Ouais! 5 ou rien! 5 ou rien! 5 étoiles, si possible, sur iTunes. Ben oui, allez nous écrire ça. On a des beaux commentaires. Peut-être qu'au prochain podcast, on va en lire. En lire, oui. Ah oui, c'est une belle idée, ça. Ouais. Il y en a des drôles. Mm-hmm. Ouais, soyez drôle. Oui. Quand vous allez faire 5 ou rien, là. Ça oui. passe toujours mieux, oui. Ouais. Comme les pancartes de grévistes. Ouais. Drôle. Là, un projet simple à votre portée. Ouais. Ouais, c'est ça. Sinon, vie pour un petit pain, là, tu sais. Des plus petits projets? Des plus petits projets. Ben non, mais c'est ça, un peu étapiste. Bon, ben, si les gros tombent toujours. Exact. Un petit, puis on bâtit là-dessus. C'est quoi que je disais? C'est quoi? Si tu divises ton problème en plein de petits problèmes, que tu divises en plein de petits problèmes. Mais là, tout a l'air plus concret. C'est long, mais c'est plus faisable, non? Complet, complet. Ouais. Ben, alors, c'était merci. Ça, nos conseils. C'est un beau voyage à l'extérieur, messieurs, ouais. Vraiment, là. Très agréable. Oui, le fun. La semaine prochaine, il va faire beau, puis on va être ici. Ouais. On va être en Bermude. Ah! Oh. Ouais. Oui, donnez-moi un levier assez gros. Rosé. Ouais. Et je peux... catapulter un char. Lever n'importe quoi. Point d'appui. Ouais. Point d'appui, je soulèverai le monde. Mmh. C'est ça. C'est ça, je savais qu'Antoine allait le savoir. Merci, Fred. Toi, on se complète. C'était qui, ça? L'équipe. Ça, c'est pas un grec? Archimède? Oui. Je pense que oui, oui. Bon. OK. C'est super, tout ça. La semaine prochaine... Mais y'a pas de solution préférée? Ben, on n'est pas clair, on n'est pas clair. On a, je trouve, bien résumé. Oh, non, non, mais on a bien résumé, mais toi, Mathieu? Ma solution préférée, c'est faire des listes de choses. Ouais, ouais. D'accord. Ce sont les priorités. Oui. Oui. Bien s'entourer. T'as des idées? Ouais. Quelqu'un qui fait, hey, moi, je te mets ça sur papier, j'aime ça, je tape, j'aime ça. Ah, moi, des demandes de subvention, ça me dérange pas. Ah, moi, le téléphoner, j'adore ça. Qui t'imite? Moi, je travaille, là. Hein, vous ne le connaissez pas. Mais Lynn Beauchamp, Jean Charest. moi, solution qu'on n'a pas abordée, oui. Mettre tes projets sur un mur et y aller avec un dard. Oh! Puis faire, je ne fais rien d'autre dans ma vie tant que je n'ai pas fait ça. Mais ça, quand même, là, tu, si tu le mets, là, sur le mur de ta chambre, tu le vois tous les jours, là. Ton mur à idées. Ah ouais. Fais-le. Ouais. Le voir à tous les jours, c'est pas bête, ça. Ouais, il chemine dans ta tête tout le temps. Mm-hmm. Mais il faut être décidé. Ou tu le vois plus. Regarde son t-shirt là, qui vendait des places là, de... ouais. Pour chanter. Oui, Henri. Mais tu sais, du monde. Hein, tu vois, essentiellement, on en parle encore. Essentiellement, craqué. Mais ils veulent, ils se lèvent puis ils le font. Il était à Oprah quand même. Ah ouais, paresseux. Moi, je suis pas allé à Oprah, là. Lui, il est allé à Oprah, tu sais. Un jour, Mathieu. Elle n'en a plus d'émissions. Non, c'est ça. Elle n'a pas sa chaîne encore. Non? Avec mon spectacle basé sur l'improvisation et la pornographie, je vais te défoncer. C'est ça ton projet? Non. C'est ça le titre du projet? T'es bien entouré? Ben, il y a Fred, tu veux m'aider là-dedans? On vous revient. Oui, je vais aller chercher de l'argent. Commencez petit, on va se faire un petit quelque chose. Juste commencez entre petit. Nous. On va trouver des. Ouais. Quoi? Hein? OK! Hey! Le mot de la fin, Mathieu? Vous avez un problème? Nous avons. Il m'a mis une mitaine dans la basse. Un podcast! Les animaux!